Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h, si vous avez manqué le début. Cette semaine, Être pauvre, une série de Rémi Libowski-Douat réalisée par Véronique Samouilov. Au départ de cette série, il y a le plan pauvreté du gouvernement, retardé et finalement annoncé. Il y a aussi ce fossé qui se creuse entre ceux qui vivent bien et les autres qui se débattent. Il y a la misère de plein fouet et à la vue de tous dans la ville, ces familles qui dorment sous des porches ou ces silhouettes étendues devant des bouches d'aération. Et celles plus invisibles de ceux qui n'ont pas droit au moindre imprévu et qui vivent dans l'angoisse du grain de sable qui les mettra au tapis. Et surtout, il y a ce vilain mensonge de la méritocratie. Alors pour commencer, les personnages. Des maquilleuses, une femme qui offre du temps, une autre sans logement, une femme sans papier, une mère qui saute son tour pour ses filles, une spécialiste des questions de pauvreté, des passants qui sont sûrs qu'à eux ça n'arrivera pas, un sociologue qui déconstruit le mythe des assistés, un fils vulnérable et une mère pélican. Ensuite, le décor. Un endroit pour se poser, du superflu pour changer, des services à échanger, des sacrifices, 200 euros par mois, le rêve d'une vie normale, une urgence qui chasse l'autre, un massage, des regards accusateurs, la fin de la solidarité, une violence permanente, pas de frigo, des laveries, l'école comme un espoir, un matelas par terre et un satané panier à linge. Premier épisode, on décroche le téléphone. Yvan, va falloir que je vous laisse. Du coup, on se voit quand même demain matin ou pas? Ouais, d'accord. À 9h30, super. Bon, ben super, merci beaucoup. Ouais, génial. Merci Yvan, à demain. Au revoir. Cette femme au téléphone s'appelle Caroline Richard. Elle dirige la halte femme, située à Paris, derrière la gare de Lyon. C'est une structure d'accueil inconditionnel pour les femmes en situation d'exclusion et de très grande pauvreté. Une centaine de femmes passent ici chaque jour. On peut prendre une douche, laver son linge, se reposer, discuter et prendre conseil. Une prestation sociale qu'on ignorait, un dossier qu'on n'arrive pas à remplir. Les salariés de la halte femme sont aussi là pour lutter contre le non-recours. Ces prestations auxquelles on n'accède pas parce que c'est trop compliqué, mais aussi parfois parce qu'on a honte ou qu'on culpabilise de les demander. Alors ici, au-delà de l'indispensable paperasse qu'il faut remplir inlassablement pour prouver qu'on a besoin d'être aidé, on prend soin des corps et des visages pour reconstruire l'estime de soi. Excusez-moi. Je vous en prie, il n'y a aucun problème. On est en plein dans le sujet en plus. En fait, là, on va ouvrir la halte femme, exceptionnellement, pour faire un institut bien-être. Et donc, ils nous amènent des ostéos, une coiffeuse, ils cherchent un pédicure qu'ils ne trouvent pas pour l'instant. Et ce sera pour qu'on puisse, nous, inviter des dames qui pourront venir à l'atelier, à l'institut bien-être. Le samedi, on va essayer de faire ça une fois par mois. Sortir de la honte, Rémi Libowski-Douat, Véronique Samouilov. C'est vrai que la vie à la rue, ça abîme beaucoup. Enfin, elles malmènent leur corps énormément, en portant des sacs, en dormant sur des bancs, dans des situations compliquées. Le climat fait que c'est aussi un coup trop froid, un coup trop chaud. Donc, ça mobilise aussi de manière importante la fatigue, les troubles musculo-squelettiques qu'elles peuvent rencontrer, etc. Et puis, les femmes dans la rue, elles sont invisibles. On les voit pas, on les voit très très peu, les femmes de la rue. Donc c'est vrai que travailler sur l'estime de soi, sur son apparence physique, prendre soin de ses mains, de ses cheveux, etc., permet de se dire que, bah oui, on continue d'être une femme, on continue d'avoir envie de prendre soin de soi, on a envie d'être un peu coquette et jolie, et que on n'est pas seulement une chose qui se promène ou pas, qui déambule, hein, elle marche beaucoup, c'est aussi pour ça qu'on ne les voit pas. Donc voilà, c'est de permettre un petit peu de trouver cet équilibre-là. Depuis le bureau de Caroline Richard, je vois des femmes entrer et s'installer dans la pièce principale. Beaucoup sont immigrées. En France, leur taux de pauvreté est de 40%, contre 14% pour le reste de la population. Et quand on est noir, d'Afrique subsaharienne, ce taux monte à 44%. Les femmes donc s'installent autour d'une grande table sur laquelle on a disposé toutes sortes de produits de beauté. C'est très joli, ça, bon. On va passer au blush pour les joues. Oui, j'ai pas l'habitude de me maquiller là, donc tu mets ce qui est joli. Là, tu vois, je te mets de la poudre volante pour pas que ça brille. Je peux me maquiller moi-même. Bien sûr. Et ton maquillage, il dure plus longtemps aussi. J'en remets encore hein, parce qu'il faut que ça se voit quand même. Voilà. Alors, il y a tout un tas de flacons sur la table. Il y a des vernis à ongles. Il y en a une vingtaine de toutes les couleurs, de toutes les nuances. Des rouges à lèvres, une douzaine. Là encore, il y a plein de couleurs différentes. Et puis des crèmes aussi. Ça, c'est des crèmes hydratantes. Des crèmes pour les mains, des crèmes pour le visage. Des échantillons aussi. Et une grande trousse avec... j'ai l'impression que c'est des vernis à ongles. C'est ça? C'est ça. Il y a aussi une boîte avec des blushs. Il y a aussi une boîte avec des blushs, des ciseaux à ongles, des crayons pour les sourcils. C'est joli. C'est vrai? Comment tu te trouves? Belle? Belle? Bah, tant mieux. On va passer au rouge à lèvres. Bien rouge. Du rouge. Prête pour le rouge ou pas? Oui, si. Ouais. Il est vraiment. Bah, tu laisses fermer. Ouais. Comme ça, tu vas pouvoir aller craquer. Alors hein. Oui, t'aimes bien. T'aimes bien? Oui. Hop. Et je brosse. Chacune des femmes donc, qui passent cette porte arrive avec une problématique particulière. Alors, très différente. Il y a des questions de logement, des questions de santé, des questions de papier. Mais elles ont tout un point commun, c'est qu'elles ont un reste à vivre, comme on dit, c'est-à-dire une somme pour vivre chaque jour, qui est infinitésimale. Oui, effectivement, elles ont très très peu d'argent, voire pas du tout. Donc il y a beaucoup de choses qui existent. Il y a des dispositifs, heureusement, qui peuvent exister pour les nourrir, pour les loger, pour faire en sorte que ce soit quand même supportable. C'est un peu difficile de dire ce mot-là, mais en tout cas, il y en a certaines qui vont arriver à se débrouiller aussi, autrement, avec des petits boulots, avec des choses non déclarées, des services rendus. Alors ça peut être la garde d'enfants contre une chambre, ça peut être juste des nattes, enfin coiffées, des coiffages un peu sauvages, mais qui vont amener quand même 2-3 euros à se débrouiller. Pour d'autres, ça va être quelques minima sociaux, extrêmement minimum. Mais on essaye de travailler avec les structures existantes, avec les Restos du Cœur, avec les restaurants sociaux, avec le 115 pour ce qui est de l'hébergement. C'est pour tout le monde en fait, la débrouille, elle existe pour tout le monde, y compris pour nous, y compris pour les travailleurs sociaux. On va essayer de bidouiller avec ce qu'on connaît, avec ce qu'on sait de vestiaire, de soupe plus ou moins populaire, on dit plus trop comme ça maintenant, mais c'était ces principes-là. Et puis les hébergements qui passent tous en l'an là pour le coup par le 115 ou par le SIAO. Tu peux même en mettre dans le cou, si tu veux. Ça fait du bien? Oui, ça fait du bien, oui. J'ai oublié le passé avec le massage. Comme ça, c'est bien. Tu peux en mettre plus, vas-y, Annette. Hein. Oui, c'est bien. Tiens, viens t'asseoir à ma place. Je repose un peu ici. Alors les miroirs, oui. Moi, j'habite à l'hôtel. Il n'y a pas ni cuisine, ni rien. Seulement le lit et la toilette. Et ici, je mange le petit déjeuner ici. Et aussi, au lieu de rester dans la rue, je reste ici. J'attends que mes enfants sortent de l'école. L'école, elle est à côté de l'association. Et aussi, je lave les vêtements ici. Pour moi, c'est bien ici. Et je n'ai pas le droit de travailler parce que je suis encore sans papier. Vous n'avez pas encore de papier parce que vous venez d'arriver ? Non, je suis ici depuis 2014, novembre 2014. Pour nous, c'est 5 ans de présence ici pour faire la démarche. Et moi, je m'occupe de mes enfants. J'ai 2 filles. Et c'est pour ça que je cherche comme ça pour cuisiner. Pour... Et pourquoi vous êtes venue en 2014 ? Je suis venue ici pour que l'avenir de mes enfants ici. Pour moi, c'est pas grave. Je lis pour mes enfants, surtout mes enfants. Je ne veux pas que mes enfants aussi vivent la galère dans l'avenir. Comme moi, maintenant, je souffre. Oui, c'est ça. Vous étiez dans quelle ville au Maroc ? Moi, c'est Casablanca. Casablanca. Et comme on dit, on vit dans le bidonville. Vous étiez dans un bidonville? Oui, oui. L'école, elle est loin. À peu près une demi-heure à pied pour aller à l'école. Mes parents sont malades. Et aussi, ils gardent mon frère. Il est psychopathe. Toujours, il prend des médicaments et il est violent avec nous. Et surtout, nous, les filles, il dit, habille comme ça, fille comme ça, ne sortez pas comme ça. Et des fois, il nous tape. C'est pourquoi on a fui des maisons pour chercher une autre vie. J'étais venue ici avec mes 2 filles. On habite à l'hôtel avec mon mari, le père de mes enfants. Après, mon mari il était violent avec moi aussi. Il m'a battu, il m'a violé. J'ai fait un plainte comme ça, comme une violence conjugale avec lui. Votre mari, vous n'êtes plus avec lui? Non, maintenant, je suis avec mes 2 enfants. Je suis prise en charge avec 115 de 92. Le SAMU social? Le SAMU social. Qu'est-ce que vous allez faire alors maintenant? Je patiente jusqu'à 2019 pour faire le démarche pour mes enfants, pour avoir les papiers pour mes enfants, comme ça. Et je veux travailler. Et surtout, moi j'ai un diplôme, j'ai Bac plus 3. J'ai un diplôme de technicien en secrétariat médical. Mais maintenant, ne valide pas parce que je n'ai pas encore les papiers. Je veux travailler, mais je veux vivre. Je veux travailler pour faire manger mes enfants, moi-même. Oui. Comment ils vont, vos enfants? Ils sont bien à l'école. Ma directrice m'a dit si bien, les enfants ils sont sérieux et ils travaillent bien à l'école. Ils sont parmi les meilleurs. Oui. Combien vous avez par mois pour vivre? À peu près 200, 250 par mois, comme ça. Jusqu'à 300, des fois, tu tombes malade ou bien ta fille tombe malade, tu ne peux pas travailler. Je fais 10 heures comme ça de ménage en noir, comme ça. Mais à cause de ma santé, je ne peux pas être... comment on dit, solide devant les heures. Parce que des fois, 10 heures du matin jusqu'à 10 heures du soir, ou bien trop forcé, je ne peux pas supporter comme ça quelque chose parce que j'ai le sciatique. Et je supporte, même parce que les enfants, des fois, ils veulent Quand il passe à côté de McDonald's, il me dit, maman, je veux manger nous aussi au McDonald's. Il me fait la peine. C'est pour ça que je travaille, pour des fois, je fais le plaisir de mes enfants pour acheter quelque chose de vêtements. Même je vais aller aux autres associations pour chercher les vêtements. Je ne trouve pas ce qu'ils veulent les enfants. Qu'est-ce qu'elles veulent? Des fois, ils me disent, maman, je veux une sandale comme ça, ou bien une robe comme ça, ou bien un jogging, les maillots de piscine comme ça. C'est pour ça. Des fois, je supporte le travail, un travail dur, mais je ne trouve pas quelques heures de ménage, c'est pas. Je demande comme ça, comme ça. Oui. Donc, vous vivez avec 100, 200 ou 300 euros par mois, c'est ça? Oui, oui. Et des fois, je mange ici, le petit déjeuner ici, et mes enfants à la cantine. Et des fois, je vis en maison des, association maison des femmes. Tu peux, il y a comme là-bas, on fait cuisine partagée le jeudi. Des fois ici, des fois ici. Qu'est-ce qui vous manque le plus? Qui me manque? Le travail. J'ai pas besoin d'aide. Et je rêve d'avoir une maison comme ça, une cuisine pour cuisiner et on mange ensemble. Parce que les enfants ici à l'école, moi ici, il me manque de manger et d'être reposé. Il ne peut pas être menacé. Même dans l'hôtel, quand je dors, un jour je dis, il me toque un jour quelqu'un pour me dire... Ça y est, madame, c'est bon. Et d'être à la rue comme ça. Toujours, je vis le stress comme ça. Et surtout, on n'a pas les papiers. Toujours, on dit, un jour, on va nous dire, ça y est, c'est bon. Oui. Et parfois, est-ce que vous regrettez d'être venue ici? Non, pour moi, pour mes enfants, je ne regrette pas. Je veux... ici, et surtout à la France, il y a le droit de l'homme. Moi, pour mes filles, si bien ici, c'est ça. Fatima, vous voudriez faire les ongles? Oui, Radija, que vous voulez faire. Je t'ai fait mal? Comme ça, c'est bon? Alors, franchement, comment on vit avec le RSA aujourd'hui? 545 euros. Si vous enlevez les APL, c'est 475 euros. Claire Edon, présidente d'ATD Carmonde. 475 euros pour s'en sortir. Dans les régions en zone tendue de logement, il reste 58 euros par mois pour se nourrir, c'est moins de 2 euros par jour. On s'en sort pas avec ça. C'est de la débrouille en permanence, ça demande une énergie qu'on met pas justement dans la recherche d'un emploi ou d'autres choses. Donc l'argent est quelque chose d'important, certes, mais ce n'est pas tout. On a commencé à aborder la question du regard qu'on peut avoir sur les personnes en situation de précarité. Vous profitez d'un système et toutes ces questions. Mais derrière, il y a aussi, qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie pour vous retrouver dans cette situation-là? Pourquoi êtes-vous pauvre? Exactement. Donc, une question de culpabilité. Et là, je trouve ça, moi, monstrueux. Parce que quand on se penche sur la question, c'est la société qui est coupable de cette situation-là. Mais c'est vraiment pas les plus pauvres. C'est la société qui est coupable de pas leur donner un logement correct. C'est la société qui est totalement coupable de la question de l'éducation des enfants, de l'échec scolaire. C'est pas les personnes qui le sont. Et là, il y a un renversement qui est insupportable. Reconnaître qu'il y a une discrimination parce qu'on est pauvre, reconnaître qu'elle existe, c'est déjà une avancée parce que jusqu'à maintenant, on avait du mal à reconnaître cette question-là. Donc, l'argent ne fera pas tout. Le regard qu'on a sur ces personnes est absolument essentiel et c'est là qu'on a tous un rôle à jouer. Et je vous promets que cette question du changement de regard, elle doit être quotidienne. Parce qu'on a quand même très vite une fâcheuse tendance à se dire Ouais, mais enfin là, qu'est-ce que t'as fait pour te retrouver dans cette situation-là? Notre inconscient nous renvoie très facilement à ça. On limite les gens à des besoins logement et nourriture. Et figurez-vous qu'ils ont comme nous besoin de culture, qu'ils ont comme nous besoin de beau. Et limiter les gens à un toit et de la nourriture, là on se trompe complètement et on les... Je trouve que c'est pas digne de regarder cette question de la lutte contre la pauvreté que par cet aspect-là. D'abord parce que ils veulent pas qu'un toit sur la tête, ils veulent pas un hébergement, ils veulent un vrai logement. Parce que aller dans des lieux de distribution alimentaire, c'est la honte, et ça tous vous le disent, tous. On se cache quand on y va, on veut pas être reconnu, on espère bien que les voisins nous verront pas. Donc un pays aussi riche que le nôtre, qui a encore besoin de distribution alimentaire, c'est, pour moi, c'est une honte. Oui, ils sont bons, celui-là. C'est bien. C'est mieux avec le marron, là. Moi, j'aimais bien. Attends, laisse la fine, là. Déjà. Vous avez des petites boucles d'oreilles, vous êtes maquillée, vous avez un joli fichu dans les cheveux. C'est important pour vous d'être toute belle? Oui, des fois, d'être belle pour que les autres ne me croient pas que je suis folle ou bien je suis... Par exemple, il faut être propre. Même si tu es pauvre, tu n'as pas, il faut être propre. Il faut... Parce que dans le transport, tu es assis à côté d'une autre personne pour ne pas dire il est sale, il est comme ça. Il faut intégrer dans la société pour être... il faut toujours lever la tête. Au fond de moi, je sens que je fais la douche, je fais comme ça, donc pour être un peu bien. Oui. Je ne vous ai pas demandé comment vous vous appelez. Moi, je m'appelle Fatima. J'ai vidé. J'étais trop chargée, oui. Vous ne parlez pas souvent? Hein? Vous ne parlez pas souvent? Je ne parle pas beaucoup. Avec vos enfants un petit peu? Oui, avec mes enfants. Avec mes enfants, je ne montre pas que je suis triste, que je suis mal contente. Avec mes enfants, je joue avec les enfants. Je vais à la bibliothèque avec eux. Toujours, je fais... Et qu'il n'y a pas comme ça, il manque. Dès qu'elle a terminé, oui. Dès qu'elle a terminé, vous pouvez y aller pour rincer le visage. Oui. D'accord. Fatia et les personnes qui sont dans sa situation, l'hébergement d'urgence va s'arrêter. D'abord parce qu'il s'agit d'urgence et qu'il y a toujours plus urgent que des personnes qui sont un petit peu stabilisées par un petit bout d'emploi, par une petite ressource, fait que l'hébergement d'urgence devient plus adapté. Parce que pour l'hébergement d'urgence, on va héberger des gens qui sont encore plus en précarité qu'elles. Mais du coup, on hiérarchise la précarité. On est tout le temps en train de hiérarchiser cette précarité et de pousser et de comme sur un échiquier, de remplacer des pions. On gagne un peu, donc on peut passer dans un autre dispositif qui va à un moment donné être saturé et on va pousser par des gens qui sont encore plus dans la nécessité. Et du coup, pour Fatia comme d'autres, ça va s'arrêter. L'urgence a un temps. Non, ça me fait du bien. Parce que j'ai mal au dos même. Vous avez mal au dos? Oui, à cause des picots. C'est dans quel centre qu'il y a des picots? C'était au Croix-Rouge. À la Croix-Rouge? Oui. C'est depuis ça que j'ai eu ce mal. Dans des campings? Voilà. C'est pas vrai, vraiment des lits avec un matelas, c'est mieux. j'étais là, tu serrais dedans comme ça, tu n'arrives même pas à bouger. Tu n'arrives même pas à bouger. Et là, ça fait mal quand voilà, je fais ça. Oui, ça me fait mal. Je vais masser doucement. Voilà, merci. Le massage qu'il est en train de faire là, très très bon même. Bon, là, vous avez un petit peu de crème sur le visage. C'est quoi, c'est un masque, c'est ça? Oh oui, c'est un masque. Bon, ça sert à dégraisser le visage. Bon. Après, je pense qu'on va, le suer, ils vont faire un peu de maquillage. Ça vous plaît, ça? Oui, ça me plaît. Ça va me rendre belle, jolie. Du moment où vous avez quelqu'un qui fait 12 ou 13 gosses juste pour avoir des aides sociales et qui derrière va pas chercher du travail, non, je trouve qu'on aide trop ceux qui en ont pas besoin. Que faire, comment faire, comment pouvoir faire pour les aider sans non plus avoir ce sentiment de perdre quelque chose, je dirais. Je sais pas. Vous savez combien il y a d'étrangers qui partent dans leur pays après avoir récupéré leurs allocs? Vous imaginez même pas. Comment vous le savez, vous? Bah en fait, par expérience, c'est-à-dire, c'est pas, je connais des gens qui ont certainement, enfin, qui ont fait ça. Ceux qui profitent de toutes les aides possibles, imaginables, qui pourraient se mettre à travailler, mais qui finalement trouvent que c'est plus pratique d'avoir le chômage plus un petit travail en dehors. Ils préfèrent rester dehors parce qu'ils peuvent avoir leur chien et leur alcool. Je trouve ça très dommage. Je pense que c'est plus réconfortant d'être dans la boisson, malheureusement. C'est un vice qui est légal en France. Aider les gens n'a jamais rien donné de bon. J'espère qu'ils ne sont pas heureux et qu'ils veulent changer et qu'ils veulent en sortir. Pour leur foi, dans tous les cas, ce sera une bonne option. Et comment expliquez-vous qu'il y a des entreprises qui cherchent à embaucher qui ne trouvent pas? C'est quand même curieux. Beaucoup de gens qui émigrent en France, c'est pour avoir financièrement une situation plus favorable par rapport à leur pays d'origine. C'est pour ça qu'ils viennent chez nous. Parce qu'ils sont très bien chez eux. Ils sont probablement mieux chez eux que chez nous. Après, voilà, bien sûr, je fais aussi partie de ceux qui sont là pour aider les gens, mais toujours avec parcimonie. And I am humming. I am humming one of your songs. I just know one small verse in the middle of it, but it makes me wanna hear it on and on and on. Je suis parfois un peu surpris de voir à quel point la parole s'est totalement libérée. C'est le débat sur l'assistanat qui s'est banalisé d'une certaine manière. Serge Pogam. Si on prend l'exemple de la dernière élection présidentielle en France et donc le débat pour la primaire à droite, on a pu, quand on avait tous ces candidats qui se sont opposés les uns aux autres, ils étaient d'accord sur une chose, c'est qu'il y avait trop d'assistanat en France, et tous les candidats étaient unanimes pour dénoncer cette tendance. Et donc ça, c'est quelque chose qui me semble être l'expression d'une acceptation assez généralisée que finalement il y a des profiteurs de l'assistance, il y a des personnes qui se contentent de solliciter des aides et qui en vivent bien. Donc cette idée-là s'est répandue dans la société française à un point qui m'étonne encore, car je compare cette période à celle que j'ai connue dans les années 80 et je n'y retrouve plus du tout l'aspiration à une solidarité qui était défendue de façon quasi unanime à cette époque. Il faut peut-être souligner aussi que en 1988, le 1er décembre 1988, on a voté la loi sur le RMI après des débats passionnants à l'Assemblée nationale à la quasi-unanimité. Et donc cela signifie qu'à un moment donné dans l'histoire de nos institutions, on a considéré que la solidarité à l'égard des pauvres constituait finalement une part de nos institutions, quelque chose qui allait de soi. On a considéré que nous avions une dette à l'égard des plus démunis. Enfin, les années 80 que vous décrivez, c'est aussi le thatchérisme triomphant, le réganisme. Absolument. Mais la France résistait, si je puis dire, dans cette période. On a pensé que l'on pouvait vraiment s'attaquer à la pauvreté, même si on était confronté à une grave crise de la société salariale. On a pensé qu'il y avait là quand même un espoir. Ce message-là, qui était un message humaniste, un message de solidarité nationale, il n'a pas totalement disparu. Évidemment, il y a encore beaucoup d'institutions, beaucoup d'associations qui luttent au quotidien auprès des plus défavorisés. Mais ce discours-là est aujourd'hui en quelque sorte attaqué par des attitudes manifestement hostiles à l'égard des pauvres. Ça fait du bien ou pas? Oui, ça me fait du bien. C'est la première fois que j'ai un massage. Sinon, chaque jour, je viens ici. À la femme, je viens ici chaque jour. Bon. Nous, on est venus ici en France, on n'a pas de famille ici. Bon. C'est la femme qui nous loge, nous donne à manger. Vraiment, il nous met au chaud. Bon. Ici, c'est comme notre maison. Ouais. Où est-ce que vous êtes logé? Je suis logé à l'hôtel. Ça fait combien de temps que vous êtes logé à l'hôtel? Depuis le 22 décembre. Moi, je suis là pas longtemps. Je suis venu, ça me faisait un an le 15 mai. Ça me faisait un an. Bon, moi, par contre, moi, je suis venu à cause de mon fils. J'ai mon fils qui est venu ici en France, ça fait maintenant 5 ans. C'est son père qui l'a fait venir, bon. Du coup, l'enfant se retrouve dans la rue. Donc, j'étais en Afrique à chaque fois. Il y a une tata qui m'appelait pour me dire, si je peux venir, que mon enfant est dans la rue, tout ça, là, bon. J'ai dit, mais je vais venir comment? Puisque je n'ai pas d'argent. En fait, votre enfant, il est venu avant vous. Il s'est retrouvé à la rue. Et vous vous êtes dit, je vais le rejoindre. Ouais. J'ai dit, mais pourquoi pas venir? Je dis, je vais tenter ma chance, peut-être que Dieu va me faire grâce. Dieu merci, je suis là aujourd'hui. J'ai retrouvé mon fils, il est avec moi. Quel âge il a? 18 ans. Et vous êtes hébergé avec lui? Et non. Le 115 m'a dit qu'il est majeur, qu'on ne peut pas nous loger ensemble. C'est compliqué pour moi. Et vous voyez quand même? Oui, on se voit, on se voit. On se voit. Mais c'est pas facile pour moi. Votre souhait, c'est de rentrer chez vous avec votre fils ou de rester ici? Franchement, dit, moi, je ne veux plus rentrer, je veux rester ici en France. Parce qu'ici, il y a le boulot. Enfin, chez nous, là, il n'y a rien là-bas. Ici, au moins, on est là, on fait les petits ménages. Ok, moi, je vais rester. Vous travaillez combien d'heures? Bon, je ne fais pas plus que je n'ai pas de papiers. quand j'étais en Afrique, c'est la coiffure que je faisais. Donc, du jour où je n'aime pas le ménage, je vais à Château d'Eau. Château d'Eau. Ma paire de ciseaux, bon. Je vais me débrouiller quelque part là-bas. Ouais. C'est bien payé, ça? Bon, ça dépend. Ça dépend des coiffures. Il y a des coiffures de 15 euros, 20 euros. C'est pas tous les jours on gagne des clients. Souvent même, tu peux faire deux jours sans coiffer. Ouais. Donc, quand j'ai fini le ménage, je vais faire la coiffure. Ouais, c'est comme ça que je fais. Ça va aller. Et ma faut qu'on connaisse Kataoulou, qu'on a une ligne, on est compté français, mais il m'a faut qu'on bat mère. Je vais parler mon français là. Tu vas comprendre. Ici là, tu as vu, non? C'est comme ça. Ils s'occupent de nous très bien. On mange ici, on fait tout ici. On est à l'aise, on dirait on est chez nous-mêmes. Tu as vu, non? Ici là. Tu viens matin, il y a petit café, tu manges. On n'est pas droit à dormir. On dort dehors. Grâce à eux, on dort à l'hôtel. Dieu merci. C'est bon. Ah. Moi, quand j'ai commencé, quelqu'un qui n'avait pas de papier, qui arrivait sur le territoire français, pouvait obtenir des papiers, allez, on va dire en 9 mois. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas de papier, qui arrive sur le territoire français, quand il répond aux critères, aujourd'hui on arrive à 18 mois. C'est doublé. Donc pendant les 18 mois, des gens ne peuvent effectivement ni travailler, ni se loger, ni rien. Donc ça veut dire que tous ces délais qui s'allongent font que on écope sans arrêt quelque chose qui se remplit tout le temps. Parce que les gens n'arrêteront pas d'arriver. C'est comme ça. Et puis les gens ont des droits. Et que l'ouverture des droits et l'accès aux droits en le compliquant, je pense qu'on augmente la précarité. Simplement sur du délai. Moi, c'est ce que je remarque dans mon métier. Aujourd'hui, je trouve que dans les personnes qui viennent dans nos structures, il y a y compris des gens qui travaillent, il y a y compris des gens qui peuvent avoir un petit bout d'hébergement quelque part. Moi, je trouve que la pauvreté, elle s'installe et elle est insidieuse et qu'elle arrive par plein de bouts différents. C'est plus un chemin très linéaire de une vie établie, des brisures successives, des cassures qui font qu'on se retrouve à la rue parce qu'on perd au fur et à mesure les choses qu'on a. Je trouve qu'aujourd'hui, on est compris dans un schéma inverse. On n'arrive pas à obtenir un petit boulot qui ne suffit pas pour pouvoir se loger. Et que du coup, on a un éventail beaucoup plus large que ce qu'on pouvait avoir avant. Et puis des parcours qui sont vraiment en dents de scie et qui sont faits de ruptures successives et de situations douloureuse et violente aussi, successive, parce que ça emmène ça aussi, ça amène l'exploitation. On a beaucoup de femmes qui trouvent un hébergement, mais qui sont obligées de travailler, obligées d'avoir des rapports sexuels, mais elles ont un toit. Donc elles vont faire le choix, si c'en est un, je ne suis pas sûre, de rester à l'abri, mais du coup en étant surexploitées de différentes manières. Pour certaines qui ont fait la route, c'est un moindre mal, puisque les routes de migration étaient tellement terribles que, bon, bah, ma foi, ici, c'est pas si pire. Bon. Voilà, on est dans des situations où, ouais, je trouve que c'est. On est dans des violences de situations permanentes. Montre-moi. Faut pas te regarder avec un petit miroir comme ça, ça donne rien. Faut te regarder dans la glace là-bas, dans la salle de bain. Oui. Un grand miroir. Tu vois, un grand miroir, dans la lumière. Il va aller voir si c'est pas juste. Alors ouf. C'est pas bon. Oh là là. Ouais, c'est trop. Tu peux lui mettre du plat. Alors que se passe-t-il ensuite? Que se passe-t-il quand ces femmes très pauvres peuvent enfin sortir de l'urgence et obtenir un toit durable? Alors que je me posais cette question, j'ai rencontré Grace dans l'école où elle travaille. Elle est grande, élégante, elle parle très bien de son boulot passionnant, de ses enfants, de ses projets. Et puis au fur et à mesure de la conversation, j'ai réalisé qu'elle était pauvre, très pauvre. Nous nous sommes revus quelques jours plus tard, chez elle. Donc voilà, ici vous êtes chez moi. Là c'est ma la cuisine qui est là. Pas de frigo. Système D, hein. J'ai inventé un frigo avec de l'eau fraîche où je mets mes yaourts, mes boissons, pour ne pas aller déranger le voisin à chaque fois. Même s'ils ne me disent pas clairement les choses, mais moi je me sens gênée d'aller déranger les gens pour mettre mes yaourts au frigo, pour mettre du lait, pour garder mes affaires. Donc vous n'avez pas de frigo, vous prenez une marmite, vous mettez de l'eau dedans et vous mettez vos yaourts dedans, c'est ça? Je mets de l'eau fraîche. Là, ça fait 2 jours que j'étais malade. Lundi, mardi, je n'étais pas à l'école, donc j'ai eu un gastro. C'est la nourriture qui a tourné sans que je sache. Je mangeais et je ne pouvais pas tenir. J'ai eu mal au ventre pendant 2 jours. Je gagne 688 euros. Et avec 688 euros, je ne peux pas m'acheter un frigo. C'est impossible. Parce que quand j'enlève les loyers, je paye l'électricité, je paye les gaz pour que mes enfants ne se sentent pas démunis ou pauvres. C'est vrai, moi je sais dans quelle situation nous sommes, mais j'essaie d'expliquer à mes enfants, mais elles ne comprennent pas, parce qu'elles sont avec des amis qui peut-être qui n'ont pas ce genre de problème. Pour eux, ne pas avoir d'électricité, ça n'existe pas. Ne pas avoir un frigo, ça n'existe pas. C'est difficile de faire comprendre cela à des enfants qui sont jeunes, qui sont au lycée, qui sont au collège. Donc, c'est vraiment difficile. Par manque de moyens, je n'ai pas de lave-linge. Donc, je descends à la laverie. Heureusement, j'ai une laverie juste en bas de chez moi où je lave mon linge et ça m'écoute. Parce que nous sommes 3 à la maison. Et ça me coûte beaucoup d'argent par mois à laver les linges et à sécher. Et voilà. Il y a vous et vos 2 enfants, c'est oui, ça? Oui, je suis mère célibataire. Donc j'ai 2 filles, une qui a 16 ans et une autre qui a 13 ans. Celle de 13 ans, elle est au collège. Elle est en 5e, là elle passe en 4e. Et la grande, elle est au lycée. Donc elle est en 2e, elle passe en 1ère. Elle. Donc elle est très très très forte, elle a eu son brevet avec mention, elle a été contactée par la mère Anne Hidalgo parce qu'elle était citée parmi les 600 élèves méritants de Paris. Elle travaille super bien, elle a de bons résultats et ça me peine parce qu'elle se bat pour ses études et moi de mon côté j'arrive pas à lui offrir les cadres qu'il faut, les moyens qu'il faut pour que... Voilà. Et le reste de la maison, je ne sais pas si c'est... Donc voilà, dans ma salle de bain, j'essaye de garder toujours ma maison bien propre, bien rangée, pour créer un espace de vie rassurant pour mes enfants. Même si je n'ai pas grand-chose à leur offrir, je me sacrifie, je me prive de beaucoup. Tout ce que vous pouvez voir, c'est vraiment des efforts, c'est vraiment des sacrifices. Tout ce que vous voyez, c'est vraiment des sacrifices. Comme quoi, par exemple? Ah ben, tout, c'est des sacrifices. Des choses qui sont peut-être normales. pour d'autres personnes, mais pour moi, c'est des sacrifices. Acheter ça... C'est un verre à dents. C'est un verre à dents, un pot pour mettre les savons. Ouais, ça me fait sourire parce que c'est rien, mais pour moi, j'essaye de leur donner un espace où elles se disent, ah, j'ai ça aussi chez moi, j'ai un verre à dents aussi chez moi, j'ai ceci, j'ai cela, qu'elles se sentent bien dans leur peau, qu'elles se sentent, voilà. Alors là, on voit un matelas par terre. Vous pouvez me montrer le reste de la maison? Vous vouliez montrer le reste oui. de la maison? Là, c'est la seule qui a un lit dans cette maison, c'est la deuxième qui a un lit. Moi-même, je dors par terre sur un matelas. Là, on voit un matelas. Oui, il y a un matelas par terre. Ma grande fille de 16 ans, elle dort là. Elle ne peut pas inviter des copines. Et à chaque fois, on lui demande, mais pourquoi chez toi, on ne vient pas? Elle ne veut pas que ses copines trouvent son matelas par terre. Je n'ai pas le moyen de lui acheter un lit. Pourtant, c'est une fille qui fait ma fierté, qui a son brevet avec mention, qui travaille super bien. Moi, je n'ai pas eu cette chance parce que je suis née au Congo, j'ai grandi au Congo. Quand je suis venue ici, je n'ai pas eu le temps d'aller me former, de continuer mes études. Il fallait se battre pour avoir ses papiers. C'est un parcours du combattant. J'ai mis 13 ans pour avoir mon titre de séjour. Je suis arrivée depuis 89, donc j'entre dans mon 30e année. Et je trouve que c'est pas normal que j'ai la carte de 1 an. Donc ils ont pas confiance. On vous offre pas quelque chose de stable, quelque chose de bien. C'est que des petits boulots. Et lorsqu'on aspire à des emplois qui sont bien rémunérés, la carte bloque. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Ben, je suis AVS, c'est auxiliaire de vie scolaire. Donc, c'est un emploi qui consiste à aider les élèves en situation d'handicap. Je gagne 688 euros. Donc, vous êtes en dessous du seuil de pauvreté? Voilà. C'est dur à le dire, mais c'est ça. C'est en dessous du seuil de la pauvreté. Et c'est difficile de vivre avec 668 euros, avec 2 enfants, un loyer à payer. C'est des adolescentes. Elles ont beaucoup de besoins, beaucoup de demandes, beaucoup de loisirs avec des amis. Mais je ne veux pas que mes enfants dépendent des autres ou bien sentent qu'elles sont pauvres ou que leur mère n'est même pas capable de satisfaire un peu leurs besoins ou de leur permettre de vivre comme tous les jeunes de leur âge. Donc c'est pourquoi j'ai accepté ce travail. C'est plus pour mes enfants que pour moi. Pour qu'elles ne se sentent pas exclues, parce qu'à cet âge, il y a beaucoup de moqueries. Il y a beaucoup de moqueries quand on est pauvre, on n'a pas le dernier basket à la mode, on n'est pas bien habillé, on n'est pas à la page, on ne va pas dans les boutiques qui sont à la mode, Bershka, H&M, Zara et tout ça, quand tu ne vas pas là-bas, et que tu t'habilles chez Tati, parce que le moyen de ta mère te permet de t'habiller à Tati, ça devient une honte. J'essaie de leur expliquer que voilà, pour l'instant, je ne peux pas vous offrir ça. Je ne veux pas subir cette situation pour que mes enfants marchent la tête haute, qu'elles ne soient pas honteuses de dire que ma mère est AVS. Je pense qu'elles elles disent que je suis enseignante ou je travaille aide-enseignante sans entrer dans les détails. Et ça, pour moi, je me dis que c'est parce qu'elles ont honte. J'ai honte de ces salaires qu'on donne aux AVS. C'est eux qui... Oui, voilà, normalement, c'est leur honte à eux. C'est pas ma honte. Vous me faites réagir, je ne dois pas porter cette honte sur moi. Ce n'est pas ma honte, c'est leur honte, parce que le travail que je fais, que tous les AVS font, c'est un travail indispensable, c'est un travail honorable, c'est un travail qui arrive à aider les enseignants dans des classes, parce que sans les AVS... Dans une classe où il y a un enfant en situation d'handicap, c'est impossible. Je dis bien, je pèse mes mots. C'est impossible que l'enseignant ou l'enseignante s'occupe d'autres enfants, entre guillemets, normaux, et de cet enfant-là. Et puis c'est un mi-temps qui vous prend tout votre temps, en fait. Oui, c'est un mi-temps qui ne me permet pas de faire autre chose après, d'aller postuler pour un autre travail. Tout le mois, je suis tourmentée. Comment je vais boucler le mois? Comment je vais nourrir mes enfants? Et c'est mon épicier qui me connaît. Je vais prendre des choses. Presque tous les jours, je prends des choses pour 5 euros, pour 3 euros, pour 7 euros. Et à la fin du mois, il calcule, me dit, madame, ça fait, vous me devez 30 euros. Heureusement, ces genres de personnes existent. Parce que si ces genres de personnes n'existent pas, c'est impossible de boucler, de vivre avec 660 euros. C'est impossible. On peut pas. J'ai pas de lave-linge. Je vais dire un secret à Rémi. J'avais des habits qui traînaient parce que Rémi devait être chez moi, j'avais honte de présenter une maison sale. Je suis allée acheter le panier de linge, ça m'a coûté 14 euros que je pouvais garder, mais je dis, je veux pas qu'il voit une maison désordonné. Voyez-vous, un panier à linge, peut-être pour quelqu'un d'autre, c'est rien. C'est rien. Et pour moi, j'ai fait un sacrifice. C'est pourquoi je vous disais, tout ce qui est là, c'est un sacrifice. 14 euros. Parce que j'avais juste un sac là, où je mettais des linges. Mais là, j'ai dit, je vais honorer Rémi. Je ne veux pas qu'il trouve... Je suis une femme, je suis une fille, j'ai des filles. Il y a des habits qui sont intimes, qu'on n'aimerait pas que quelqu'un d'autre voit. Elles les ont vues, vos filles, déjà, ou pas? Non, pas encore. Elles m'ont dit, maman, t'as fait de folie. J'ai dit oui, parce qu'il y avait un journaliste qui devait passer. Bon, on va rigoler. Je pleure, mais je ne suis pas triste. C'est des choses que je ne dis pas forcément, c'est des choses que je n'ai même pas partagées vraiment avec mes filles. Aujourd'hui, je profite d'expliquer un peu. Souvent, on ne comprend pas, on donne juste des salaires comme ça, mais on ne sait pas comment les gens vont faire. On se dit 688 euros, salaire suffit, ils vont se débrouiller avec, mais non. On se débrouille pas avec, c'est vraiment un casse-tête de s'en sortir avec ces gens des salaires. Le premier bonheur du jour, c'est un ruban de soleil qui s'enroule sur ta main. C'est mon épaule, c'est le souffle de la mer et la plage qui est en. Merci à Claire Hédon, Serge Pogam, Bruno Cousin, Caroline Richard et toutes les bénéficiaires de la Halte Femmes à Paris dans le 12e arrondissement. Prise de son. Frédéric Kérou, mixage, Lidwin Caron. C'était la série documentaire, coordonnée par Perrine Kervan, accompagnée de Marivonne Abolivier. Sortir de la honte, un documentaire de Rémi Dibowski-Douat, réalisé par Véronique Samouilov. LSD, la série documentaire, c'est terminé pour aujourd'hui. Et si vous voulez vous poser, bibliographie, lien, nous podcaster pour le jour où ça ira mieux ou nous écouter au Lavomatique, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr et sur un tas d'autres plateformes. Et les belles pages, c'est grâce à Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Annelise Signoret. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc, et même sur Instagram, LSD La Série Documentaire. Demain, deuxième étape, Pauvres des champs, galérer à la campagne. Et pour toujours plus de documentaires, allez faire un tour sur le site de Tenk, notre partenaire, une plateforme qui propose par abonnement une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Il y a même une plage réservée aux documentaires audio. Et n'oubliez pas nos autres rendez-vous documentaires sur la chaîne, Les Pieds sur Terre, Une vie, une œuvre, Une histoire particulière et Création en air. Et toute la semaine, en écho, Entendez-vous l'écho sur la pauvreté à 14h avec Tiphaine de Roquigny.